Voici, en deux heures, de larges extraits de La Petite Fadette, court roman publié en 1849 par George Sand. Choix des textes résumés, enregistrement de Jean-Paul Lexis, décembre 2018.